les sombres cloaques où les corps s'abandonnent, de la poussière en flaque qui inonde la malle d'or. Comme une ombre, elle avance au milieu des hangars, elle évite les bruits, détourne le regard. Ces deux perles des belles brillent comme l'eau de rosée. Être un enfant du soleil, c'est parfois lourd à porter. Elle n'a pas le temps de se plaindre, sa maison est si loin. Et il lui faut emmener son sac de graines sur ses reins. Elle rêvait d'un prince ou d'un ange, n'importe qui l'emmène loin de ce monde étrange. Mais les hommes s'y passent, sont tous des imbéciles, des ventres, des voleurs et des ballons habiles. À supporter la misère à l'équateur, à l'équateur. Quelques années plus tard, quand éclata la guerre, elle vit des hordes sauvages détruire son peuple et sa terre. Au nom de vieilles rancunes, au nom de la vengeance, lui prendre sa famille et son innocence. Alors elle a réuni ses maigres affaires, toutes ses économies, fruits du travail ordinaire. Elle a pris le chemin des routes de déshérence, sans savoir où aller pour tromper la malchance. Elle a suivi ces gens qui lui parlaient d'ailleurs, un monde bien plus beau. Sont tous des imbéciles, des menteurs, des voleurs et des parleurs habiles. Alors elle est partie loin des misères et des peurs de l'équateur, de l'équateur. Ici l'automne est si froid et sa tenue l'étonne. Son cœur est plein de honte, mais ça n'intéresse pas ses regards anonymes qu'il a déshabillé déjà. Voit son regard essayer de percer les nuages, elle revoit son pays de sombres images. Imagine des vies aux issues incertaines qui l'emmèneraient loin de ces quartiers de peine. Et elle attend encore des lendemains qui chantent loin de l'équateur, loin de l'équateur.